qui est le plus souffrant, la question ou la réponse? C'est sérieux, ma question? Ah oui, c'est ma réponse aussi. Pour une fois. C'est plus souffrant de se poser des questions ou d'avoir la réponse? C'est pas mal similaire. Il y a des personnes qui souffrent de ne pas connaître la réponse à leur question, puis il y en a qui souffrent de connaître la réponse. Parce que l'être humain veut tout savoir du premier coup. J'ai déjà expliqué qu'on connaissait le degré d'évolution d'une personne en fonction de sa capacité de supporter son ignorance. Alors, plus tu évolues, donc plus tu conscientises, plus tu es capable d'avoir une expansion de conscience, donc de t'ouvrir vers quelque chose de neuf, plus tu découvres que finalement, tu n'en savais pas beaucoup. Et plus tu es capable de voir loin, plus tu découvres qu'il y a encore plus loin à voir. Donc, nécessairement, il vient un moment donné où l'individu découvre son ignorance. Et là, l'ego qui est expérientiel, donc vit d'expérience, voulant tout savoir, c'est pourquoi être toujours à la quête d'informations, il se rend compte qu'il probablement qu'il ne saura jamais tout. Donc, il va toujours rester dans une forme d'insécurité. Et l'individu est évolué en fonction de sa capacité de supporter le poids de cette ignorance-là. L'être humain ne sera jamais capable de tout mémoriser. Il ne pourra jamais tout expérimenter. De ce fait, il doit changer de trace d'évolution, de trame, c'est-à-dire qu'on ne doit pas fonctionner uniquement dans le but d'acquérir de la mémoire et de l'expérience. On doit finalement accepter quelque chose qui a été dit dans le passé depuis longtemps, mais que l'humain a appris, que l'humain a vanté les mérites, mais que l'humain n'a pas appliqué, c'est se relier à un savoir instantané. Bon, dans l'antique étymologie, on appelle cela l'esprit saint. Bon, c'est correct, c'est bon. Un esprit saint, un esprit non coloré par l'expérience de l'âme, par la mémoire. Un esprit qui permet à un être humain de savoir tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Et parce que l'humain ne fait pas confiance à ce savoir instantané, donc à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence supramentale, parce que l'humain ne fait pas confiance à l'énergie christique, ben nécessairement, l'humain est toujours en train de fouiller dans sa mémoire et d'agencer ses mémoires dans le but de créer un savoir. On ne peut pas répondre au neuf avec le vieux. Peux-tu me définir la loi de la transparence à l'aide d'exemples? À l'aide d'exemple, un exemple c'est transparent, on ne verra pas grand-chose. Oui. Tout le monde les exemples. Tu as un exemple? De la transparence? Oui. Il répète la question. On les appelle. Je vais répondre moi-même. Ok, répondons. François, c'est écrit. Sois franc. Ce que ça veut dire? Vidal, tu savais ça? Non, mais c'est madame. Charles, ça veut dire quoi? Essaye pas, ça fonctionne pas. Les chars. C'est pas les chars. Lorsqu'à un moment donné, la transparence, ça procède de plusieurs façons, mais c'est la même chose. La première chose, c'est de ne pas se mentir soi-même. Donc, l'individu qui a peur d'aller quelque part, sait qu'il a peur. Il peut y aller, il peut ne pas y aller, mais il ne se le cache pas. La transparence, c'est d'être capable de cesser de toujours remettre la faute sur le dos des autres. Par exemple, là, veux-tu arrêter, tu m'énerves. Parole ajustée, pourrais-tu arrêter, ça m'énerve. Et non pas, veux-tu arrêter, tu m'énerves. La transparence, c'est d'être capable de dire à quelqu'un exactement ce qu'il a à dire. Je travaille avec des amis. Je ne travaille pas avec des employés, je ne travaille qu'avec des amis. Et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose que je dois dire à un ami. Une personne arrive en retard et je dois lui dire, ça fait plusieurs fois que tu es régulièrement en retard, puis ça ne va pas. C'est un ami, donc je ne peux pas. Si je ne suis pas transparent, donc si à l'instant où je découvre qu'il y a un problème, je ne le dis pas, probablement que n'étant pas transparent, je vais espérer que le problème se règle tout seul. Et dans 6 mois, j'aurai un problème plus gros. Je ne saurais toujours pas comment le dire. Puis à un moment donné, quand je vais le dire, l'autre va avoir pensé que c'est un droit acquis d'arriver en retard, ce qui fait qu'il va considérer que j'exagère. Et puis là, on empire les choses. Un être humain transparent est capable de dire à un homme ou à une femme, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, donc à un enfant ou à un adulte, je te trouve beau. Quand est-ce qu'il vibre, quand ça vient? Bon, et on ne trouve jamais quelqu'un laid. L'ego peut le trouver. on peut... La transparence, dont dernièrement, j'ai un de mes amis qui a 13 ans. Il aime un autre de mes amis qui lui a 25 ans. Et son frère, qui est aussi un de mes amis qui lui a 21 ans. Le téléphone sonne, les deux adultes, disons, se parlent. Et puis finalement, il y avait une réunion familiale. Et puis celui qui a 21 ans dit à la famille, « Bon, ben, je m'en vais chez un de mes amis. » Il met son manteau. L'autre est plus jeune, il met un manteau aussi, puis il s'habille, fait qu'il y en a un qui demande où tu vas? En même place que lui. Bon, ben, c'est ça. Il est transparent avec lui-même. Il ne l'a pas demandé. Parce qu'il sait que les deux autres sont transparents. Donc, si un des deux ne veut pas qu'il vienne, on va lui dire. Mais transparent, regardez ce que c'est. Charles s'en va camper en fin de semaine. Ça, c'est de la science-fiction. Oui, c'est moi qui y vais, lui vient pas. En tout cas, Charles va camper en fin de semaine. Alors moi, je lui demande, j'ai le goût d'y aller. Si je suis transparent, je lui demande, est-ce que je peux y aller? Si je ne suis pas transparent, j'aurais peur de lui demander parce que tout d'un coup, il me dit non. Tout d'un coup, il me dit oui, mais qu'il aurait voulu me dire non, parce qu'il n'est pas transparent. Tout d'un coup, puis finalement, encore là, la souffrance, je me crée plein de problèmes, alors que Charles, est-ce que je peux y aller? S'il me dit oui, puis il n'aurait pas aimé son karma. S'il me dit non, s'il est suffisamment transparent puis qu'on est deux amis, il devrait me dire non, moi j'aimerais mieux que tu viennes pas. Et je ne lui poserai pas la question, pourquoi? Dans le but d'essayer de démolir ce qu'il va me dire. Bon, c'est correct. Fini là. Je suis transparent, elle est transparent, on ne souffrira pas ni un ni l'autre, il n'y aura pas de problème dans notre vie. S'il n'est pas transparent, tant pis pour lui, j'irai, il m'a dit oui, c'est tout. À un moment donné, il y aura des exemples, on va en trouver plein. Mais la transparence, c'est premièrement la capacité d'être totalement ce que nous sommes avec nous-mêmes, par la suite d'être totalement ce que nous sommes avec autrui. Bon. On ne se projette pas. Oui, mais j'ai peur qu'il fasse ça. Mais finalement, c'est toujours moi qui fais ça. Lui, il ne fait jamais ça. Ça fait 20 ans que je ne l'a pas fait. J'ai peur qu'il le fasse, c'est moi qui le fais. Projection. La transparence, c'est d'être honnête, d'être intègre. D'être totalement transparent, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui regarde à travers de nous, il voit carrément à travers. Ça veut dire qu'on ne compte pas de mensonges, qu'on ne s'en compte pas. On peut compter des mensonges pédagogiques, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne crée pas de l'illusion dans l'illusion. Bon. Est-ce que ça te dérange quand je vais chez toi? Oui, de temps en temps. C'est ce que je voulais savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive une relation qui est intéressante. Bon, alors si ça le dérange de temps en temps, j'aime autant le savoir maintenant, plutôt que de me faire détester dans 10 ans, puis on aura jamais su pourquoi. Je suis transparent. Puis si lui me dit, non, ça ne me dérange pas, puis quand j'arrive chez lui, je perçois des choses, bien là, je suis transparent. Écoute, il me semble que là, ça dérange. Il me dit, non, mais ça dérange, parce que vous ne parlez plus. Non, ça ne dérange pas, c'est elle qui. Mais ça dérange, c'est ce que je dis. Si je suis transparent, je n'aurai jamais de problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas mes amis parce qu'ils détestent la transparence. Et c'est pas grave. De toute façon, ils n'auraient jamais été mes amis. C'est aussi de s'autoriser à ça, dire la vérité, comme tu disais tantôt. Ça, très, très important. En commençant. Oui. Lorsque l'ego devient comme un chien fou, que tout roule d'une vitesse mirobolante, que plus rien n'a de valeur, qu'aucune décision ne semble appropriée, que cela semble comme une souffrance aiguë et qu'en même temps, il n'y ait aucune souffrance et que tout cela amène un individu à lancer un appel à l'aide puissant non pas aux humains mais à l'invisible, qu'est-ce que c'est? Comment contrer cette puissance et comment la canaliser pour éviter de sombrer dans des forces noires destructrices? Ne sombrez pas dans les forces noires destructrices. Ne le faites pas. On doit parvenir à être totalement détaché, sans s'en foutre. Alors moi, je ne me fous pas de la matière, mais je n'y suis pas attaché. Mais je ne m'en fous pas. Je ne suis pas attaché aux autres de mes amis, aux humains, mais je ne m'en fous pas. Je respecte, mais je ne suis pas attaché. Une chose, lorsque l'ego devient fou comme un chien, comme un chien fou. T'as déjà vu ça, des chiens fous? Oui, j'en ai un. Ah oui, c'est le faladier au dessus d'un. Il est noir, hein? Il est noir. Oui, c'est ça. Que tout roule à une vitesse mirobolante, que plus rien n'a de valeur, C'est ça, il faut faire attention. On doit accepter le détachement. On ne doit pas s'en foutre. Mais souvent, les psychologies, les égos sont extrémistes. Tu adores ou tu détestes. Détaché. J'aimais ma femme, on se sépare, je la déteste. Pourquoi ne pas simplement ne plus l'aimer? Astralement, pas nécessairement transformer ça. C'est de faire attention pour ne pas être extrémiste. On le devient extrémiste, répétez-vous certaines choses. Ce n'est pas vous qui êtes extrémiste, c'est votre maudit égo. Mon maudit égo, son maudit égo, c'est l'ego. C'est le problème. Alors, ce n'est pas nous. Oui, mais ce n'est pas nous. La personne pose la question, donc elle a suffisamment de lucidité dans son intelligence pour voir la mécanique. La mécanique, elle est là. Mais justement, mais c'est pas la preuve que ce n'est pas la personne. Elle cohabite avec la mécanique, l'ego, entre autres. Bon, rien n'a plus de valeur, qu'aucune décision ne semble appropriée. Jamais aucune décision n'est appropriée. C'est parce que l'humain fait un choix qu'il perd simplement la réalité. Là, on dit, oui, mais si je ne fais pas de choix, je ne fais pas de décision, je fais quoi? C'est quel problème? Parce que l'humain n'a pas encore appris à accomplir, il doit encore faire. C'est une chose. Mais, quelle que soit, on ne sait plus quelle décision prendre. C'est exact, tant mieux, vous êtes rendu sur un point intéressant de votre évolution. Un point neutre. On dit, tout va trop vite. Les choses vont vite parce que nous n'avancent à peu près pas. C'est un point neutre. Qui semble, pour l'ego, extrêmement sécurisant, parce que c'est du neuf. De l'inconnu. Cet inconnu-là, il n'est pas mauvais. Il est épeurant parce qu'il est inconnu. L'ego ne connaît pas. Quand l'ego connaîtra, ce ne sera plus un problème. Qu'aucune décision ne semble appropriée, c'est évident. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu à un point de l'évolution où vous ne pouvez plus rester dans le monde de l'animal humain, où vous n'êtes plus assujetti aux lois typiques de l'homme ancien, donc de l'ère piscéenne, l'ère du poisson, où vous n'êtes pas encore admis dans l'ère nouvelle, dans l'ère du Verseau, l'ère aquarienne, vous n'êtes pas encore assujetti aux lois de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, vous êtes entre les deux. Je l'ai dit de temps en temps, vous avez des souliers neufs, vous avez des vêtements vieux. Alors, dans le monde des pauvres, on ne veut plus de vous, vous avez des souliers neufs, on vous met dans la rue. L'autre côté de la rue, c'est les riches. Ben, vous rentrez là, vos souliers neufs, on ne veut pas de vous, vous avez un chapeau vieux, on vous remet dans la rue. Alors là, on est comme mal pris. C'est la période de transition, c'est l'adolescence. Et ça, ça se vit. Accepter d'être dans l'autobus. C'est comme une souffrance aiguë et en même temps, il n'y a pas de souffrance. Astralement, vous souffrez. Mentalement, vous ne souffrez pas. C'est pourquoi vous percevez une souffrance qui n'est pas souffrante. Je le dis souvent, il y aura souvent des souffrances qui ne font pas souffrir. Mais on doit ne pas faire de la philosophie sur toute cette mécanique-là. Sur rien, vous êtes aux insolences d'un monde astral. On continue. Et que tout cela amène un individu à lancer un appel à l'aide puissant, non pas aux humains, c'est déjà bien, mais à l'invisible. Vous devez devenir votre seul maître. Quand on parle à l'invisible, il répond comme il se montre. Alors, c'est un bon chemin. Vous allez finir par avoir la désillusion aussi des dieux. Qu'est-ce que c'est? Je le répète, c'est une partie naturelle de l'évolution. C'est une partie naturelle de la conscientisation où on en sait plus, mais plus assez. Je donne encore un exemple que j'ai donné souvent. Vous êtes dans la brume et vous êtes couché. Lentement, vous sortez de la brume. Alors, il y a un œil qui voit à l'extérieur, un œil qui voit dans la brume. Alors, quand vous êtes dans la brume, vous voyez comme tout le monde. Si vous êtes totalement sorti, vous allez voir clair comme tous ceux qui sont sortis. Ayant un œil de sortie, le cerveau agence les deux visions, puis on ne comprend plus rien de ce qu'on voit. Alors, on dit, oui, mais c'est un peu coloré. D'un bord, on dit, non, c'est pur. L'autre bord, on dit, non, c'est totalement coloré. Vous voyez, alors, vous savez que je suis, là. C'est ça. Vous êtes entre les deux. Ce que vous voyez est double réalité, ce qui fait qu'elles tiennent ensemble. Pour un monde, c'est faux. Pour un monde, c'est faux. Vous êtes quand même réel. Mais personne ne vous le dira. Comment contrer cette puissance? On ne la contrera pas. Continuez simplement à monter, continuez à poser des questions, continuez à vivre. Et les choses se placent. Les choses vont se placer et ça prend un temps de digestion. Vous allez digérer de l'énergie, ça va monter. Plus on fait de la philosophie mentale, de la mentalisation, de la philosophie de bottine, C'est de la philosophie archaïque de penser pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. C'est neuf ce qui vous arrive. Vous ne pourrez pas vous l'expliquer. Expérimentez le neuf. Après, vous saurez. En attendant, ça ne sert à rien de... Par exemple, on vous endort. On est au 17e siècle. On vous endort. On vous met dans un avion pour vous faire voler. Là, on vous réveille. Mais vous ne pourrez jamais expliquer. Alors, cessez de faire de la philosophie, de penser que c'est Dieu, que c'est le Satan, que c'est ceci, que c'est cela. C'est Dieu qui nous fait voler. Il n'y a pas de crucifix, c'est le diable. Bon, vous n'aurez jamais raison. Vous n'êtes pas dedans. Vous ne comprendrez pas. Attendez, expérimentez. À un moment donné, vous aurez suffisamment expérimenté qu'il n'y aura plus de problème. Comment la canaliser pour éviter de sombrer dans les forces noires destructrices? Le vouloir de l'ego, de trop savoir, c'est souvent ça qui fait qu'on va vers les forces luciférienne plutôt que Yavik. Les mécaniques noires sont des mécaniques plus facilement utilisables par l'être humain parce qu'elles sont plus près de la matière. Donc, faire un pacte avec Satan, ça fonctionne. Faire un pacte avec Dieu, ça doit être mort avant que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on appelle divine est tellement vibrante, tellement spirituelle, tellement subtile, qu'avant qu'elle soit matérialisée, souvent, la vie d'un corps physique humain n'est pas assez longue. Alors que si on s'adresse au plein bas du monde de la mort, du monde astral, l'énergie étant plus près de la matière, on aura une résultante plus rapide. Mais il y aura problème. Respirez par le nez. Continuez à vivre. Continuez à poser des questions et ne vous attachez ni à la question ni à la réponse. Ne vous foutez pas de la question, ne vous foutez pas de la réponse. Ce sont des éléments qui ne sont pas complets dans ce qui est dit et qui ne sont pas complets dans ce qui est entendu. C'est de l'énergie. Cumulez de l'énergie, mais à un moment donné, vous saurez. Vous saurez sans comprendre. Pour l'ego, c'est terrible. Oui, mais vous n'aurez plus besoin de comprendre. Et ce sera encore mieux, il n'y aura plus de souffrance. L'avortement crée-t-il des égrégores ou des karmas? Et s'il est accidentel, est-il une destinée ou prévue? Un accident, c'est toujours quelque chose qui échappe, quelque chose de mécanique, dont la mécanique échappe à la compréhension de l'humain. C'est un accident. Un miracle, c'est la même chose, sauf que l'accident, on l'attribue normalement à des forces involutives, et le miracle, on l'attribue normalement à des forces évolutives. Mais c'est la même chose, c'est quelque chose qui échappe à la compréhension de l'humain, dont la mécanique échappe à l'humain. Alors, si à un moment donné, on a de l'électricité, pour ceux du passé, ce serait un miracle. Ça échappe à leur compréhension. La mécanique échappe. L'accident, c'est la même chose. On peut parler de karma, on peut parler de rétribution. On peut parler de certaines choses. Ça échappe à la conscience, la mécanique échappe à la conscience de l'humain, on appellera ça accident. L'avortement qui est-il des égrégores, c'est évident. Plus on avorte, plus il y a des égrégores qui vont finir par autoriser à la conscience collective l'avortement. L'avortement, c'est problématique. Et l'avortement, c'est extraordinairement salutaire, c'est essentiel. L'être humain évoluant, la jeunesse passe son temps à dire « je veux vivre ma vie avant d'avoir des enfants ». On peut, en vivant, cellulariser l'expérience. Cellulariser veut dire codifier, placer dans le code génétique l'expérience de la vie. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de faire de technique pour conserver ce que nous avons, nous le sommes devenus. Et c'est transmissible génétiquement. Parce que le Québec, le bouclier canadien, Québec KEBOK, le Québec ésotérique, donc 99% du Québec politique, entre autres, une partie de l'Ontario et d'autres parties du Canada, parce que le Québec est une terre. Bon, c'est long à expliquer, mais c'est une terre qui, dans la conscience de l'humanité, a toujours été une terre promise. À l'époque, c'était la terre blanche, le mont Mérou des Aryens, paradis céleste, paradis terrestre plutôt de d'autres religions. Et c'est pourquoi on a beaucoup d'immigration au Québec, et les gens, quand ils arrivent ici, ils sont toujours en train de chialer, parce qu'ils inconsciemment s'attendent à un paradis, puis là, on leur donne seulement du bien-être social, on leur donne seulement du chômage, puis bon, du coup, j'en ai dans des hôtels, alors qu'ils arrivent d'ailleurs. Une partie de ces personnes-là sont des Québécois qui sont nés ailleurs, qui doivent migrer, les autres vont finir par s'en aller. Étant donné que l'être humain évolue énormément dans le contexte nord-américain, il n'est pas convenable cosmiquement qu'on mette des enfants au monde. Pourquoi? Parce que nous devons cellulariser notre expérience pour mettre des enfants au monde qui seront encore plus puissants. De ce fait, il y a la jeunesse qui ne veut pas d'enfants, mais qui aime les enfants, donc ils en auront plus tard, et c'est bien. Et il y a d'autres personnes qui, finalement, vont même accepter le phénomène de l'avortement. au nom d'eux. Parce qu'on ne comprend pas l'intelligence de l'avortement, on pourrait dire, c'est parce que la femme doit faire ce qu'elle veut de son corps. Mais finalement, elle fait aussi ce qu'elle veut du corps des autres, des enfants. Mais on peut dire, la femme qui fait un avortement vient de tuer une vie. Quand l'homme éjacule pour rien, il en tue un maudit paquet de vie. Parce que les spermatozoïdes, c'est tous des enfants qui auraient pu naître. On peut se martyriser tant qu'on veut. C'est celui qui ne souffre pas assez, il peut jouer avec l'avortement pour souffrir un peu plus. Bon. Mais il y a des raisons. Il n'y a rien qui existe sur le plan planétaire qui n'est pas sous-tendu par une raison intelligente. Ce n'est pas parce qu'elle échappe à l'humain. Et je dis souvent, je suis totalement pour les mouvements pro-vie. Mais je n'en fais pas partie. Je suis totalement pour les mouvements pro-choix. Mais je n'en fais pas partie. L'humain ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Ça crée des égrégores. Les égrégores vont aider. Ça crée des choses. C'est correct. Tu as dit tantôt qu'on peut être un immigrant québécois. Ben oui. Tu es un Québécois total, mais tu es venu au monde à Tombouctou. Par accident? Mais non! C'est une réincarnation de quelqu'un qui est québécois dans un autre pays? Oui. Par accident, Un corps physique, quelque part, attire quelque chose, et le corps physique, il est alchimisable, il est mutable, il est néotypable. C'est-à-dire que sa cérébralité, son système endocrinien sont, par sa génétique, par la pluralisation des contacts génétiques, typiquement mutables, évoluables, supramentalisables, sauvables, transportables, réincarnationalisables, comme tout ça, bon, en tout cas. Et il sent qu'énergétiquement, pour se parfaire, ils ont besoin d'aller quelque part. Et puis, à un moment donné, ben, ça t'entend parler du Québec, puis le Québec, c'est pas grand-chose. Mais inconsciemment, c'est tout. Les Québécois... Comme les États-Unis, à un moment donné. C'était l'affaire de liberté. Les gens arrivaient ici, puis ils souffraient. Ils étaient déçus. D'autres, ça allait donc bien. C'est ça. C'était pour attirer les vrais Américains qui étaient venus au monde ailleurs. Puis la même chose, un Québécois qui s'en va vivre à Paris ou qui s'en va vivre en Afrique. Ou ben, c'est parce qu'il n'est pas Québécois, donc il est peut-être parisien. Il déménagera. Il est parisien temporairement, mais... Un passage de la Genèse. Il est dit, lorsque Dieu chasse Adam et Ève, et je cite, « Voici que l'homme a étendu sa main et mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal. Heureux qu'il n'ait pas mangé du fruit de l'arbre de vie, car il serait devenu comme, car il serait comme nous éternels. » Connaissez-vous ce passage et qu'en pensez? Quel est cet arbre de vie? Bon. La façon dont... dans la Genèse, de la façon dont cette Genèse a été traduite, donne une idée un peu de la vision du traducteur. Il serait comme nous, éternel. Bon. Nous veut dire nécessairement plusieurs. Et effectivement, dans toutes les Bibles, on n'a pas été, on fait attention dans la traduction, mais n'empêche que Dieu est très poli avec lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a dans la création, et là c'est une grosse question, qu'une réponse aussi grosse, mais on va la faire quand même rapidement. Voilà. S'il ne serait pas là le micro, je n'aurais pas besoin de faire des singeries. Bon. Les Élohim, vous connaissez les Élohim? Ou les Elohim, tu en connais, tu n'as déjà vu. Il est invisible. C'est vu, mais c'est pas. Je n'ai pas remarqué que je les avais vus. Les Elohim, ce sont une force qui ont comme fonction cosmique, ce sont des êtres qui ne se reproduisent à peu près pas, ils sont immortels, ce sont des êtres, ce sont des mécaniques qui veillent à la gestion génétique matériel des mondes refroidis. Les Élohim sont ceux qui, à un moment donné, viennent jouer dans la génétique de contexte planétaire pour engendrer des véhicules planétaires adaptés au monde planétaire en fonction de l'écologie, de l'écosystème, donc de l'évolution bio-géo et chimiologique de la planète en particulier. Et ils vont malléabiliser la matière pour en faire des réceptacles qui seront capables, à un moment donné, de recevoir de l'âme, donc de la mémoire. De la mémoire astralisée, donc de la mémoire qui sera capable de reconnaître l'évolution. Donc, les Élohim ont comme fonction de créer des réceptacles matériels dans lesquels va être implantée une conscience adamique, c'est-à-dire une conscience luciférienne qui, elle, aidés d'une conscience sataniste, et pas satanique, sataniste, vont permettre la gestion de processus d'évolution. La mécanique sataniste, quand on parle de la Genèse, on parle de Satan qui, à un moment donné, sous forme de serpent, etc. Puis Lucifer là-dedans aussi, qui, à un moment donné, vient, bon. Lucifer, c'est une mécanique implantée dans la conscience matérielle, donc dans la conscience de l'homme, de la femme, de l'enfant, qui l'oblige à vouloir faire mieux que Dieu, c'est-à-dire à vouloir évoluer. Et en même temps, parce que Lucifer, la conscience luciférienne à l'intérieur de chacun des êtres humains est très puissante, l'être humain, se voyant ce contexte planétaire, se tirerait une balle immédiatement pour rejoindre Dieu. Pour empêcher cela, il y a la conscience sataniste, aidée d'une conscience qui, dans certaines formes ésotériques, s'appelle la riemannienne, qui sera la luxure. Il y a la conscience sataniste qui va obliger la conscience astrale à adorer la matière. Étant donné que l'humain prend l'expérience de la matière, tout en prenant l'expérience de l'éveil vers la conscience, vers l'évolution, il devient confronté à vouloir évoluer, donc devenir un dieu, et en même temps ne pas vouloir quitter la matière. À l'époque très, très, très, très antérieure, on placera aussi une mécanique qui est encore très puissante aujourd'hui, celle de la sexualité, pour obliger l'humain à se reproduire. Question de génétique. À un moment donné, l'intelligence parvient à descendre chez l'homme. Première mixtion d'intelligence collective va se faire, il y a de cela 1993 années, à l'époque où l'intelligence supramentale, qu'on appelle l'énergie christique, va descendre. Un petit peu dans Jean le Baptiste, surtout dans Josué, le fils de Joseph, donc dans Jésus. Et par la suite, il y aura des prémices d'intelligence à l'échelle nationale, planétaire, et au niveau des humanités. Les Élohim, eux, ont la capacité de rendre les corps physiques éternels. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de placer, au lieu de placer de l'âme, ils ont la capacité d'éliminer l'âme et de placer à l'intérieur de cela un contexte totalement programmatif, anémotif, donc qui n'a pas d'émotion, et qui devient un gestionnaire du véhicule physique. Il y a cette mécanique de l'arbre de la vie dans chacune des cellules des êtres qui vivent. Sauf qu'à l'instant où la mécanique du bien et du mal, la conscience astrale, celle qui sera capable par l'expérience de considérer que j'ai fait ça, le résultat n'est pas bon, c'est mal. En réalité, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas écologique, ce n'est pas adapté, mais il n'y a pas de conscience intelligence. Quand une conscience astrale prend possession d'un véhicule physique, les consciences éloïmiques sont éliminées des cellules. J'ai déjà expliqué que si on prend une cellule de votre corps physique, on la place dans un récipient, eh bien, elles se diviseront en deux, et les deux cellules se diviseront aussi pour faire quatre cellules, et les quatre se diviseront pour faire 16, et les 16 se diviseront et se diviseront sans arrêt. Votre cellule est immortelle, et toutes les cellules engendrées vont se diviser à jamais. On fait des cultures de peau pour placer sur les brûlés. On fait des expériences là. Un spermatozoïde finit par toucher un ovule, il se divise et crée un être humain. C'est la même cellule. Et ça va créer une autre cellule, c'est la même vie. Et ça va créer d'autres enfants, et depuis des millions d'années, nous sommes là maintenant, aujourd'hui, tributaires des cellules de nos ancêtres. C'est immortel. À l'instant où c'est placé dans un corps complexe, pluricellulaire, avec de l'ego, de l'âme, les plantes en ont, les animaux en ont, on dit qu'ils ont une âme, ils en ont une. Alors, la partie qui les rendrait immortels commence à s'en aller. Et à un moment donné, parce qu'il y a évolution, et les Élohim ne sont pas évolutifs, parce qu'il y a évolution, il y aura mortalité. Pour un paquet de raisons que j'explique surtout au niveau du séminaire. Donc, l'arbre de la vie, c'est la capacité d'être éternel, non évolutif. Et l'arbre, on parle du bien et du mal, c'est la capacité d'être apprenant. On est capable d'apprendre, d'être expérientiel, non évolutif. Par contre, l'expérientialité dans un corps matériel comme le nôtre engendre la souffrance et le bonheur, donc une vie sinusoïdale, qui force l'humain en sécrétion endocrinienne dans le corps physique. Donc, quand vous avez peur, il y a le cœur qui accélère. Quand vous êtes heureux, il y a d'autres choses qui apparaissent. Toujours au niveau du corps physique, ça altère et ça use le corps physique. Usant le corps physique, ça le rend malade et ça le fait vieillir et ça le tue. Mais le faisant vieillir, l'usant, ça le solidifie. Par transmission génétique, les corps sont de plus en plus solides, ce qui nous permet de supporter dans notre conscience des nouveautés que nos ancêtres n'auraient jamais pu supporter sans mourir. Et progressivement, les corps physiques devenant plus solides, on devient réintéressé ou intéressant pour les Élohim. Les Élohim sont donc revenus sur la planète Terre et volent un peu de génétique sur la planète. pour, au cas où l'humanité ne s'en sortirait pas, recréer des contextes similaires sur d'autres planètes qui sont capables de supporter, avec un peu d'adaptation génétique, des êtres humains comme les nôtres. Mais ils ne seront pas sauvés, ils auront sauvé les véhicules. Puis on pourrait donc, c'est une grosse question, on pourrait encore en parler pour expliquer un peu plus de choses. En lisant le livre, la Cité de Sept, plusieurs questions me venaient en tête. La plus dans le livre 2, il y a les réponses. La plus persistante était, par contre, celle-ci. Si l'homme est un mangeur de temps, le passé n'existe donc plus. Il est digéré par l'homme. Par contre, nous pouvons voyager ou se projeter dans un ou des futurs possibles. Puisqu'il y a une grande portion de réalité dans le livre, dois-je comprendre que l'on peut également retourner vers le passé, autrement dit, que par nos mémoires? Effectivement, c'est que le passé n'existe pas dans le passé. Le passé existe immédiatement. Comme l'avenir n'existe pas dans l'avenir, elle existe immédiatement. C'est instantané. Alors, il y a effectivement possibilité. Si le passé existerait dans le passé, on ne pourrait pas concevoir de théorie nous permettant des voyages transtemporels. Si le passé existe immédiatement, je peux donc y aller, c'est là. Mais en y allant, c'est dans la mémoire que je vais, mais la mémoire, elle peut être matérielle, elle peut être psychologique, etc. En allant immédiatement dans le passé, qui existe instantanément en même temps que mon présent et je suis dedans, le présent n'existe pas plus que le passé, mais je suis capable de le maintenir dans une forme de conscientisation, alors je suis capable de recréer le passé. Le passé existe dans l'actuel présent. On peut voyager dans le passé. La problématique dans le livre, c'est que si on change le passé, on change nécessairement l'avenir du passé, donc on change ce que nous sommes aujourd'hui, et cela pourrait créer des paradoxes temporels. J'explique aussi dans le livre. On peut voyager dans des futurs possibles, c'est-à-dire que ce sont des futurs qui n'ont pas été digérés par l'humain. Donc, qui... Et encore là, c'est de la subtilité au niveau de la conscience. Déjà que le phénomène même de l'espace-temps est difficilement encore acceptable par les hauts scientifiques. L'humain, la masse, encore, ils pensent encore qu'ils sont en retard. T'sais. Alors, il manque un petit peu de subtilité. Quand on parle de futurs possibles, tous les futurs sont possibles. Lorsqu'on en a fait un, tous ceux qui étaient possibles n'ont jamais existé. Comment expliquer cela? Ben, il faut avoir une cinquième dimension quelque part. Comme je le dis souvent, tout le rôle de l'humanité ou l'évolution cosmique de la création est accompli, c'est achevé. Sauf que nous, on est dans le passé de tout ça. Donc, pour nous, ce n'est pas achevé. Mais c'est achevé. Et le rôle fondamental de l'homme, c'est de faire en sorte, les théologies le disent, retourner vers le centre-source, retourner vers le Créateur, donc sortir de la création. Hein, c'est ouais, bon. Puis moi, ce que je dis aussi, le rôle cosmique de l'homme, c'est de résorber la création, faire en sorte que la création n'ait jamais existé. Et effectivement, lorsque tout sera accompli, il n'y aura jamais rien eu, parce qu'il n'y aura pas eu de temps. Et là, ça demande encore des petites choses au niveau de cérébralité. Si tel est le cas, est-il vrai que l'on peut changer le cours de l'histoire ou est-ce une des rares parties du livre où la fiction dépasse la réalité? Non. Si on... Le livre, les personnages savent qu'ils ne doivent pas changer le cours de l'histoire. Ils ne savent pas encore... Et ça, c'est dans l'autre livre, je ne veux pas non plus trop en parler, c'est qu'à un moment donné, le personnage va découvrir qu'effectivement, ils ont fait bien attention pour ne pas altérer le passé, et un jour, un informateur va leur dire, même si vous auriez voulu, ça n'aurait pas changé. Mais présentement, ils sont en train de... Ils sont presque pas méritoires, il y a encore une chose à apprendre, qu'ils vont apprendre dans le tome 2. Bon. Alors, c'est... Non, c'est réel, mais ils ne le savent pas encore tout à fait. C'est... Lorsqu'on offre aucune... Mais on peut faire bifurquer l'avenir de l'humanité. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce que plusieurs veulent faire aussi dans la réelle société. Lorsqu'on offre aucune résistance face aux événements de la vie, qu'il n'y a plus rien de bon ou de mauvais, qu'il n'y a que la vie, y a-t-il une autre étape qui fait en sorte que ce qu'on attire vers soi est nécessairement en harmonie avec soi? Il y a effectivement une étape où... Ce qui va venir vers nous sera ce que nous avons besoin. Dans le séminaire, j'explique moultement qu'il n'y a pas de libre arbitre. Une personne me dit, oui, mais si un jour on est en total contact avec la conscience supramentale, est-ce qu'on va avoir un libre arbitre? Elle dit non. Bon, si un jour on est fusionné avec Dieu, est-ce qu'on va avoir un libre arbitre? Non plus. Et pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire. Et la personne a de la difficulté à saisir. Alors je ramène avec quelque chose. Vous n'avez pas l'intelligence, c'est-à-dire vous n'avez pas la capacité de voir sans expérimenter. Donc, vous ne savez pas si c'est bien ou mal avant de l'avoir fait. Alors, il y a un problème, et puis vous envisagez quatre solutions. Une, c'est la bonne, c'est pas laquelle. Alors, essayez une, c'est pas elle. Expérience. Essayez l'autre, c'est pas elle. Expérience, pas de libre-arbitre. Mais un jour, vous devenez relié à votre intelligence, centré dans votre intelligence, vous avez la capacité de savoir ce qui est nécessaire que vous sachiez lorsque c'est nécessaire. 2 heures avant, vous ne le savez pas. Ça inquiète votre ego? Non, vous êtes en contact supramental, vous êtes bien. Ça inquiète pas l'ego. Quand ce sera le temps, vous le saurez bien. Bon, mais c'est en 5 minutes, pas grave. Pas pour le savoir là, c'est inutile que je le sache là. Pourquoi le savoir? Pour sécuriser mon ego, l'intelligence ne s'occupe pas de ça. Bon. À un moment donné, paf, vous êtes confronté aux 4 solutions, laquelle vous prenez la bonne. Vous la voyez que c'est la bonne. Avez-vous le choix de la prendre ou non? Non. Vous êtes intelligent, vous voyez la solution intelligente, vous n'avez pas le choix, celle que vous allez prendre. Pas plus de libre-arbitre. Mais c'est mauditement plus confortable. Si vous auriez un libre-arbitre, vous auriez inventé la solution, étant donné qu'elle est déjà là, vous ne l'inventez pas. Il n'y aura pas plus de libre-arbitre. Et ça, il faut qu'à un moment donné, l'ego finisse par le comprendre, parce que sinon, l'ego, ça crée une souffrance, une peur de l'évolution, où oui, mais ça ne sortira jamais. Oui, tu t'en sortiras jamais. Un jour, tu n'auras plus besoin de t'en sortir. Tu vas être dehors. Ce n'est pas méritoire. On n'a pas à travailler pour. On n'a qu'à le regarder, l'observer, l'accepter. Et la personne peut dire à un moment donné, oui, mais si on accepte tout, c'est pas dangereux à un moment donné que, bon, tu sais, je fais faillite, ben je m'en fous. On ne doit pas s'en foutre. C'est de la tentative. Je ne travaille pas, moi, je m'amuse. Certains diraient, ben, tu travailles. Non. Non, oh non, oh non. Parce que quand c'est... Bon, j'écris des livres. Je me place devant mon ordinateur. J'ai pas d'inspiration, j'éteins l'ordinateur. Il se branche en haut. Moi, je m'en vais faire du tennis ou je m'en vais couper le gazon. Je fais d'autres choses. Bon, je me rassois en avant, j'ai le goût d'écrire, là. Je me reçois en avant, ça vient pas. Il était tout encore. Coup de bain. Quand ils seront déniaisés, ils me font écrire. Puis quand j'ai le goût, ça écrit. C'est ça. Alors que d'autres écrivains vont passer des parties, tu sais, l'écran blanc ou la page blanche, puis ça travaille, puis ça s'essaye, puis gna gna gna gna. Bon, c'est ça. Moi, j'écris 40 pages, ils sont prêts à l'impression. Je les corrige jamais. Puis il y en a d'autres, bien, ils écrivent, puis ils corrigent. Bien, c'est évident, parce que ce qu'ils auraient écrit parfait, ils ont commencé 2 semaines avant. Fait qu'ils tripotent pendant 2 semaines pour arriver à ce qu'ils... Bon, ils doivent travailler, ils sont sur un chemin méritoire. Une personne qui, à un moment donné, se détache, ce n'est pas une personne qui s'en fout. Je suis détaché de mon automobile, mais je l'entretiens. Mais je ne souffre pas de l'entretenir, et je ne souffre pas de la voir s'en aller. C'est écologique. La transition est-elle longue et que faut-il de plus pour que cela se produise? La transition. Est-ce que la transition, elle est longue? Il y en a une autre à l'endroit. C'est extrêmement... Disons qu'il vous reste encore, si on prend un chemin en pied, là, comme lui, là, ici, là. Pas en pied, en mètre. Oui, dans ton corps, ouais. En centimètres, peut-être. Donc, on va dire en mètres. Il te reste à peu près 2 ou 3 parsecs. Précis. Un parsec, c'est 3,29 années-lumière. La vitesse de la lumière, c'est près de 300 000 km à une seconde. Il te reste quelques billions de milliards de trillions de kilomètres. Mais, il pourrait dire, yeah, si loin que ça. Mais une chose qu'il doit savoir, que vous devez savoir, c'est que la distance n'a pas d'importance, ça dépend à quelle vitesse on se déplace. Alors, depuis que le Canada est inventé. C'est ça. Ça dépend à quelle vitesse on se déplace. Et c'est ça l'idée. C'est qu'on peut courber le temps. Est-ce que ça va être long? Quelques milliards d'années. Mais on peut le réussir comme ça. Oui, vous aurez fait quelques milliards d'années en 2 secondes. Ah, ben, bon, c'est pas quelques milliards d'années, c'est 2 secondes. Le temps est une illusion. La distance aussi. Bon, donc, est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être ceci? Est-ce que ça va être cela? Ça ne se répond pas parce que de toute façon, la réponse sera fausse. Parfois, quand je suis seul, je pense à quelqu'un qui a frustré mon ego. Ben, ça occupe, mais c'est ça. Mon ego s'imagine en train de parler à cette personne. Ah oui, ah oui, ah oui, ça, là, il répond puis il dit tout. Hein? Quand c'est le temps, c'est plus rien. Mais quand il n'est pas là, maudit qu'il a tué l'affaire. Et mon mental le laisse se défouler un certain temps, puis le contrôle. Est-ce correct? Selon vous, est-ce que c'est correct? Si vous pensez que c'est pas correct, changez-moi ça tout de suite. Puis si vous pensez que c'est correct, continuez. C'est ça, la transparence. Puis en même temps, mais ça vous fait monter une marche de plus vers être son seul maître. Et c'est bien. Qui habitait l'étoile alpha de la constellation boréale du petit chien dans le système de Procyon? Martano, 27. Sont-ils les ensemenceurs de la Terre? Non. Existe-t-il des combats entre les Riguliens et les habitants du système de Sirius, l'étoile alpha de la constellation australe du Grand Chien? Ben, Rigel, oui, Rigel a toujours été un peu... l'autre aboie tout le temps aussi pour rien. Effectivement, il y a des combats. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humain personnalise les combats, personnalise les choses. Toute la création est en guerre. Et l'équilibre des forces, nous appelons cela, spirituellement, harmonie. Et c'est l'humain... Bon, si on dit oui, effectivement, au niveau de Rigel, au niveau d'Alpha, bon, c'est la première étoile de la constellation, bon, il y a plein d'Alpha, mais au niveau d'un paquet d'autres soleils. Sauf qu'effectivement, il y a des êtres humains qui... Il y a des réponses qui sont intéressantes, difficiles à donner. Pourquoi? Parce qu'il manquerait trop d'informations autour pour que la réponse, finalement, ait un sens. Mais oui. Donc, oui, peut-être. Non, mais oui, effectivement. Sauf qu'on ne peut pas personnaliser ça comme étant des vaisseaux qui font la guerre, des êtres humains qui font la guerre. Ils n'ont pas de conscience, ils ne sont pas comme nous le sommes. C'est comme de dire, vous rencontrerez à un moment donné une race d'extraterrestres. Peuvent-ils souffrir? Oui. Mais leur souffrance, vous ne la comprendrez jamais parce qu'ils ne souffrent pas comme nous souffrons. Mais comment peut-il y avoir une autre façon de souffrir? Ah, il y en a bien plus qu'une autre. On le connaît, vous connaissez les voisins à partir de vous, vous connaissez les autres familles à partir de votre famille, vous connaissez les autres villes à partir de votre ville, en comparaison. On connaît l'URSS, puis on la trouve ceci, cela, en comparaison avec notre pays. Et on va vouloir connaître les autres mondes en comparaison avec le nôtre. Et ça ne fonctionnera pas. C'est pourquoi l'humain personnalise. C'est vrai. Peut-être pas comme l'individu pose la question. Peut-être pas. Peut-être oui, peut-être pas. Avec qui travailles-tu dans l'astral, Ranta? Non. Avec qui travailles-tu dans l'astral? Suggestion de réponse, Ramta. Bon, je ne travaille pas avec Ramta. Je ne travaille pas dans l'astral. Donc, je ne travaille pas avec Ramta. Ramta, effectivement, travaille dans l'astral, mais Ramta ne travaille pas avec Maitreya. Encore que tu aurais posé la question là. Bon. Qui c'est Ramta? Ramta, c'est un personnage, non, même pas. Ramta, c'est la cristallisation, c'est l'égrégorisation, c'est l'accumulation d'énergies très spirituelles qui ont été oubliées par les égrégores massifs. C'est-à-dire que il y a des êtres humains qui y pensent, qui se conscientisent, il y en a toujours eu, et qui se conscientisaient marginalement, en dehors des religions, en dehors des stéréotypes. Ces personnages-là n'ont pas été suffisamment connus, ils n'ont donc pas engendré d'égrégores. Siddhartha Gautama, Bouddha, celui qui s'est réveillé, a engendré un égrégore. Mahomet a engendré un égrégore. Il y en a plusieurs qui ont engendré des égrégores, mais il y en a plusieurs qui n'en ont pas engendré. Ceux qui n'en ont pas engendré ont quand même laissé des traces mémorielles dans les annales akashiques, donc dans l'akasha, dans le monde de la mort, dans le ciel, c'est la même chose. Et ces petites traces, à un moment donné, sont devenues, il y en a eu suffisamment, qu'ils se sont attirés les unes les autres, et ça a engendré un petit égrégore particulier, extrêmement évolué, mais spiritualisé, qui, à un moment donné, est descendu dans la conscience d'une personne, qui a commencé à écrire, et elle a écrit les messages provenant d'une vibration qui, dans le monde de la mort, se prononce Ramta. On pense à Ram, le bélier. On peut penser à Ram le bélier, Rama, c'est le même, Ram, Krishna sera dans la suite. On parle aussi de l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est le fils du bélier, dit Jésus. Et dans Ramta, on a Ram. Ça n'a rien à voir. Mais ésotériquement, on peut s'amuser. J'expliquais, mais ça n'a rien à voir. On peut penser que Ram, bon, etc. Bon. Ceux qui ont des grandes moustaches, ils peuvent faire bobeux, les autres, non. Je ne travaille pas avec Ramta. Mais Ramta, c'est très bien parce que c'est un début de la supramentalisation dans l'écriture des mécaniques spirituelles. Autrement dit, Ramta peut dire des choses que je dis, mais il y a des gens qui vont me détester à mourir, alors qu'écoutant ou lisant ce que lui dit, ils vont l'adorer, et il dit la même chose que moi, mais par un langage qui demande plus de temps. C'est très bon. Lorsque de façon consciente, précise et exacte, je mets quelque chose en ordre, si peu que ce soit, si petit que ce soit, et de façon à ce que je sache toujours par la suite remettre l'ordre au fur et à mesure, l'envie de vomir me prend automatiquement et immédiatement. Est-ce une lacune profonde, laquelle, ou est-ce que ça correspond à quelque chose qui arrivera quand mon être sera en ordre et qui m'écœure ou m'effraie? Vous devriez vous acheter un 5. Ça pourrait vous aider. Un 5? En anglais, c'est 5. Puis une 5, c'est un haricot. Puis les haricots, on s'en sert à des hôpitaux pour que le monde vomisse dedans. Un 5, bon. Lorsque, de façon consciente, etc., lorsque la personne commence à mettre de l'ordre, là où l'ordre rentre, le désordre sort. C'est pas compliqué à dire. C'est que ce qui met l'ordre, c'est le mental. Là où le mental entre, l'astral sort. L'astral, c'est ce qui met le désordre. C'est ce que je voulais dire. Plus compliqué. Mais c'est là où l'ordre rentre, le désordre sort. C'est plus simple, mais c'est ça. Alors, effectivement, il peut y avoir quelque chose au niveau de l'ego qui crée des réactions. La majorité des maladies sont psychosomatiques. Alors, il y a nécessairement une allergie astrale à... La personne est là astralement, son ego a une peur phénoménale de se voir rejeté par l'évolution. La personne, elle devrait se coucher de temps en temps, là, s'endormir et s'auto-hypnotiser. Alors, elle peut trouver un livre ou deux sur l'auto-hypnose. Elle peut s'auto-hypnotiser, c'est-à-dire qu'elle se couche, puis là, elle commence à se parler. Souvent, les gens pensent que c'est quétaine, puis c'est niaiseux. Mais parlez à votre ego, vous allez voir que vous allez l'hypnotiser, vous allez le programmer, ça va changer les choses. Alors, bon, je vais demain encore faire de l'ordre, les yeux fermés, là. Je parle au cave, et puis, au corps, à l'astral, le vital et l'ego, c'est le cave. Et je parle donc à l'ego, puis je lui explique que là, tu n'auras plus le goût de vomir. Et on se le dit une petite demi-heure de temps. Vous allez voir que ça paraît facile, mon truc. Vous allez voir qu'une demi-heure, c'est long, maudit. Alors, on le fait comme ça de temps en temps, et puis progressivement, on va arriver à déprogrammer l'ego de cette mécanique d'expression. On n'aura pas réglé le problème, mais on n'aura plus le goût de vomir. Il va peut-être vous faire brasser un doigt, vous donner le cancer, bon, je sais pas. Mais on aura réglé le problème de la nausée. Donc, ça va pas jusqu'au cancer. La nausée, c'est pas pire, dans le fond. Mais la personne, c'est ça, les égos, c'est comme ça, les égos. C'est pour ça que je veux que plus il y aura de gens qui vont comprendre le principe, moins il y aura de souffrance à nourrir le monde de la mort, et puis ça va m'arranger. Ce qui est important, c'est que ce qui se vit, comme là, c'est l'ego, ce n'est pas vous. Alors, on doit cesser immédiatement de toujours se dire, « Ouais, mais gars, moi, je suis mal à manger. » On est tous mal à manger. Chacun différemment, on est tous mal à manger. Alors, à un moment donné, on doit cesser de souffrir pour lui. Comme je vous dirais, vous avez le goût de vomir, là, vous êtes en train de mettre de l'or, puis ça vient, puis ça vient, ça vient. Allez aux toilettes, vomissez donc, puis revenez donc, continuez donc. Bon, tu sais, si tu veux vomir, vous vomir. Bon. Oui, mais j'aime pas ça vomir. C'est ça, c'est lui qui aime pas ça vomir. Fait que faites-le donc vomir une fois ou deux. Pas 20 fois, il va falloir arriver ça vomir. Ça, c'est un égo, c'est de la mémoire. Plus ça expérimente, plus moins ça souffre, il s'habitue. Donc, on le fait pas trop souvent. Or, à un moment donné, on pense, on fait ça différent. Vomissez par le nez, allez voir, vomir. Vomir au bon endroit. Mais, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que par la suite, on parle à l'ego. J'appelle cela intelligence et les choses. Ça revient, là, tu vas cesser de faire ceci. Parlez-lui. Vous savez pas c'est qui, donnez-lui un nom. Mais normalement, le meilleur nom qui va à l'ego, c'est votre prénom. C'est lui l'ego. Alors on pourrait dire, donnez-vous un autre nom. C'est même pas nécessaire. Parlez-vous à lui. Parlez-vous à lui. Donc, écoute le Charles, cesse de niaiser. De temps en temps, on le fait, oui, mais c'est exact, c'est ça qu'il faut faire. Là, tu vas encore vomir, tu vas encore dire, je mets de l'ordre quand même, tu iras vomir après. Bon. Puis Charles n'ira pas nécessairement vomir. Osez parler à votre père, à vous-même, de l'ego en réalité. Ça règle énormément de problèmes. J'ai l'impression d'être dans une période de ma vie que je nomme le neutre. Est-ce normal? Normal? Non. Naturel? Oui. J'ai pas le temps de boire. Je veux t'avoir une grande un esclave. Souffrance. Hein, après s'être créé un double éthérique, pouvons-nous faire autre chose que de s'incarner de nouveau? Si oui, quoi? Mais on peut ne pas s'incarner de nouveau. Écrire un livre me fabrique-t-il pas un paquet de mémoires qui nous alourdit? Non. Écrire un livre, ça ne fabrique pas de mémoires qui nous alourdit. Écrire un livre, ça permet à une grande quantité de mémoires spirituelles ou astrales de pouvoir s'extirper. Au lieu de prendre le corps, votre corps physique, votre conscience comme demeure, elle va demeurer, ces mémoires et ces phénomènes de l'ego, qui ne sont pas nécessairement mauvais, vont simplement demeurer, conservés dans un coffre-fort formidable, un égrégore, qui nous sera maintenu dans la matière par le livre et par ceux qui vont lire le livre. Tout ça qui... Bon, y a des choses comme ça qu'on pourrait dire à un moment donné. On fera une conférence pour les écrivains. Mais c'est très bon d'écrire quand on sait comment et quoi écrire. C'est utile pour l'humanité, c'est mauditement utile pour l'écrivain, et c'est formidablement utile pour ceux qui le lisent. De toutes les façons, en grimpant et en plaçant des choses moins bonnes. Exactement comme vous allez voir un film, c'est un film où il y a quelqu'un là-dedans, vous allez détester. Là, vous le maudissez, vous le haïssez. Voilà, ben ça vous purge. Quand vous sortez, vous êtes mieux. Mais pourquoi vous l'avez détesté? Parce que lui agressait quelqu'un que vous aimiez. En même temps, ça vous nourrit. La personne qu'on aime, qu'on aimerait, qu'on aimerait être, ou que c'est nous autres, ou bon. Ça valorise, ça y va, puis en même temps, on se défoule là. Ça a plein de bons phénomènes. Qui sont les chevaliers d'arc? Il n'existe plus. Il y a des mémoires qui restructurent ce phénomène de chevalerie. Ils n'ont existé en plus que dans le langage de d'autres. Il y a eu différentes ordres de chevalerie d'arc qui se sont... C'est pas une vraie chevalerie, c'est une confrérie. Une confrérie qui, à un moment donné, est morte. Elle est revenue au monde à chaque fois. Premièrement, ça a commencé dans une légende, dans un monde parallèle. Et je cherche le nom du bonhomme qui l'a mis au pied. Son père est mort, c'est son fils est vivant, c'est... Un jour, ça viendra. Bon, presque. Et à un moment donné, cette confrérie avait comme seule et unique fonction d'accomplir une chose qui a été permise dans certaines forces spirituelles, mais qui a été éliminée ailleurs, celle de contrebalancer les déséquilibres. La confrérie d'Arc servait à cela. Contrebalançant les déséquilibres, ça leur permettait de prendre des individus qui avaient trop pour donner à ceux qui n'avaient pas assez. C'est rapidement devenu illégal. Est-ce que Robin des Bois était dans la confrérie d'Arc? Oui. Mais il y en a eu plusieurs autres par la suite. Et on parle de chevalerie uniquement à un moment donné au niveau d'un langage dans l'ésotérisme, surtout. Parce que, normalement, l'idée du chevalier est de préserver la veuve et l'orphelin. On a vu que la veuve et l'orphelin voulaient dire autre chose au niveau biblique. Alors, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a, il y a, Il y a de la mémoire, il y a énormément de mémoire, de traces, de trames, de chevalerie, de confréries, de sociétés ésotériques, de sociétés secrètes qui se réincarnent, donc qui reviennent à l'honneur. Mais la chevalerie d'Arc comme telle n'a pas... Les chevaliers d'Arc, c'est une illusion qui, aujourd'hui, a tendance à se recréer à l'intérieur de personnages. Ça n'existe pas comme les chevaleries, comme la chevalerie de la Table Ronde ou d'autres chevaleries comme ça. Si ça n'existe pas encore et c'est en train de se recréer? Ça n'a pas d'importance, mais c'est en train de se recréer. En réalité, on pourrait dire que c'est en train de se créer à partir de mémoires de confréries et de d'autres chevaleries. Qu'est-ce que l'Arche d'Alliance? C'est une boîte avec deux poignées, quatre poignées, que les gens devaient prendre pour trimballer, mais on avait juste à lui demander de venir, puis elle avançait tout seul. Je dis ça pour quelqu'un. C'est un coffre qu'on n'a pas besoin de porter parce qu'il se porte tout seul. Bon. L'Arche d'Alliance, c'est une preuve divine de la puissance des célestes. L'Arche d'Alliance, c'est une mécanique planétaire créée à même les métaux planétaires par une technologie extraordinairement avancée qui a prouvé à certains humains de l'époque que Dieu existait. L'Arche d'Alliance est une création faite par des mécaniques extraterrestres qui sont représentées dans la Bible surtout sous forme de mécaniques melchisédiennes, donc de Melchisédek. Les êtres, entre autres, qui vont instruire Moïse. Et on ne parle pas du Melchisédek à l'époque du Nazaréen, qui était le prêtre de la secte essénienne. Mais l'Arche d'Alliance, c'est donc une mécanique qui a des pouvoirs, qui permet à l'humain certaines choses. L'Arche d'Alliance est un condensateur absolument extraordinaire d'énergie vitale. Donc, un être humain capable de contrôler son interpréteur actionnel, vous regarderez dans le dictionnaire. Je voulais chercher longtemps, je trouverais ça. Non, dans celui du livre de naissance à la mort, c'est, okay. C'est expliqué. Mais l'interpréteur actionnel, c'est la partie de l'âme. Ça paraît comme compliqué parce qu'on dit des choses qui manquent beaucoup d'éléments. À un moment donné, vous voulez en savoir plus, vous lisez. On se verra deux jours à jaser. L'interpréteur actionnel, c'est ce qui permet à la pensée d'être interprétée en action. C'est le contrôleur vital qui fait bouger le corps physique. Quand je dis à l'être humain, placez votre bras sur votre jambe, là, puis concentrez-vous pour que le bras lève, vous verrez, il ne lèvera pas. La pensée n'a aucune puissance. Ouais, bien, j'ai un gars à lever. Parfait, bouge ton oreille, pas capable, c'est ça. C'est pas une question de pensée, c'est une question de mécanique. Il y a quelque chose chez nous qui interprète la pensée et qui l'interprète en action. L'interpréteur actionnel contrôlé fait bouger les objets à distance, comme le corps physique. L'Arche d'Alliance est capable de... C'est un condensateur d'énergie vitale. L'énergie vitale est ce qui révèle la matière. C'est de l'énergie, le feu. Et celui qui est capable de contrôler mentalement son interpréteur actionnel, donc capable de contrôler ce qui bouge, l'énergie vitale, bouge les corps et la matière, peut contrôler l'Arche d'Alliance. Et là, on parlera justement de la foudre de Dieu ou des feux de Dieu que certains prêtres à l'époque pouvaient contrôler à partir même de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, elle a un danger, vu que c'est un condensateur d'énergie vitale, elle peut puiser l'énergie vitale des individus qui s'en approchent, les siphonner totalement, donc les détruire. Et elle s'en nourrit. Et quelqu'un d'autre qui peut s'en servir peut faire autre chose. Qu'est-ce que la quête du Graal? Cette personne-là, je pourrais lui dire, il faudrait qu'elle se réfère à une des conférences spéciales qu'on a faites dernièrement, elle aurait toutes les réponses, là. Le Graal, c'est l'énergie christique. L'énergie christique a toujours été spirituellement visualisée sous forme d'un cristal. Le cristal est la symbolique alchimique du diamant. Le diamant, pour l'alchimiste, c'est le carbone à l'état pur, incassable et translucide, comparativement au charbon qui est du carbone à l'état pur, friable et opaque. L'agencement des atomes crée deux phénomènes différents. L'alchimiste dit « l'homme est comme le charbon ». Restant ce qu'il est, s'agençant différemment, il deviendra le diamant, le cristal. Incassable, totalement transparent. L'énergie va traverser le diamant et ne sera pas bifurquée, colorée. Le Graal a donc été souvent vu sous forme de cristal. En même temps, le Graal, l'énergie christique, par le sang du Nazaréen, lorsque Longinus, un soldat romain, perce une des côtes, récupérer le sang dans une coupe, la coupe devient aussi le Graal. Le Graal, c'est le savoir instantané. C'est la conscience instantanée, c'est l'Esprit Saint, c'est la conscience christique. À l'époque du roi Arthur, on perd le Graal. On perd le Graal par manque de transparence. On perd le Graal par trop d'égoïsation. On perd le Graal par terrestrification. Et il y aura une quête du Graal. À un moment donné, les individus ayant tout perdu vont se lancer à la quête du Graal. Percival, ou Perceval, dépendant des nations, va être celui qui, sans armure, arrive devant le Graal. L'armure symbolise l'ego de l'humain, toutes les barrières qu'il met pour devenir non transparent. Tous les chevaliers de la table ronde sont morts, pas morts, sont pendus, sont accrochés, ils ont leurs armures. Perceval arrive devant le Graal sans armure, il veut savoir qui est le Graal, et finalement c'est lui le Graal. La quête du Graal, c'est l'évolution de l'humanité. La quête du Graal, c'est l'évolution de ce qui, dans l'essence, a créé le dragon, l'énergie vitale, et Excalibur, la vie, la protection. Or, le Graal, finalement, on ne doit pas faire sa quête, on doit le créer chez nous. Bon, puis à un moment donné, on pourra s'amuser à en parler encore. Est-ce qu'on peut dire, bon, je sais qu'on peut dire n'importe quoi, là, mais est-ce que ce serait logique de dire qu'on est... qu'on a à l'intérieur l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la vie, l'arche d'alliance et le Graal et tout ça. En réalité, c'est tout là, dans nous autres, mais qu'il faut le devenir, mais et non pas le chercher. Non, on ne doit pas le devenir, on ne doit pas le devenir. L'être, pas le devenir. On doit laisser exprimer des choses. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez le goût de dire à quelqu'un quelque chose de bien, et ça ne sort pas. On ne doit pas devenir X, Y, Z, on doit simplement être. Et on doit être... authentiquement. Cela veut dire que lorsqu'on ne peut pas être, on doit être suffisamment pour accepter qu'on ne puisse pas être ce que l'on voudrait être. Donc, immédiatement qu'on l'a accepté, deux heures après, on pourra l'être. Mais c'est parce qu'on commence à se dire « Oui, mais tu vois, encore, si, bon, c'est ça. » À force de répéter qu'on n'est pas, on n'est plus. Et ce n'est pas en répétant qu'on va être, qu'on va être. C'est ça qui est le problème. Quelqu'un qui dit « Un jour, je l'aurai », qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il confirme, c'est qu'il ne l'a pas. Il ne l'aura jamais non plus, parce que pour son temps, dire qu'il va l'avoir. Devenir, tu sais, un jour, je serai. Comment ça va? Oh, de mieux en mieux. Putain, Marnouche, ça fait combien de temps que tu dis ça? 20 ans, tu partais de loin, ouais. Mais tu ne dis pas que ça va bien, tu ne dis pas que tu es rendu. C'est positif. C'est pas réaliste. L'homme, la femme, l'enfant ont déjà... La problématique, c'est qu'on ne sait pas comment s'en servir. Donc, on doit se servir des éléments qui sont là, donc on doit se servir de la vie. On est tellement occupé par la vie qu'on n'a pas le temps de se servir d'elle. Quand on parle de... Chaque fois que l'être humain parle d'évolution, parle de conscientisation, c'est le gros problème de l'homme, finalement. Ça reste uniquement à régler ses problèmes de vie. Mais, de vie, on parle d'existence. Existentielle, pas les problèmes, là, demain, qu'est-ce que je vais manger, ça, tu vas manger demain, ouais, mais si je meurs, ça va mourir aussi demain, ça, c'est pas grave. Peut-être tu ne mourras pas, peut-être tu n'auras plus besoin de manger, peut-être que tu auras, mais on n'en a rien à faire. Quelqu'un va dire, oui, mais ça, on ne prévoit pas. Il y a une nuance entre prévoir les choses et s'en faire pour demain. On prévoit pour la simple raison qu'on n'a pas suffisamment de contact avec notre intelligence. Donc, on pallie par l'expérience, la mémoire. Mais on ne s'en fait pas pour demain. On prévoit pour demain. Grosse nuance. Dans un des cas, il y en a un, il dit « Moi, je prévois. » Mais il souffre. Il s'en fait pour demain. Et parce qu'il s'en fait, il prévoit. Alors qu'on peut prévoir des choses uniquement parce que c'est esthétique de prévoir, parce que c'est plaisant de prévoir. Et là, je ne souffre pas de prévoir. Oui, mais si ce que tu as prévu n'arrive pas, mais on n'en a rien à faire que ça arrive. Je n'ai pas prévu pour que ça arrive. J'ai prévu parce que c'était esthétique, donc en réalité, je n'ai pas prévu. J'ai vécu dans mon présent des choses que vous appelez prévoir. C'est tout. On doit revoir énormément de choses que l'on fait. La majorité de ce que vous faites est parfaitement fait. Le problème, c'est que ce n'est pas bien vu. C'est comme la personne qui... Ce n'est pas du positivisme, il faut faire attention, mais vous pouvez mettre de l'huile dans votre moteur en chiolant parce que ça vous graisse. Tu sais, pourquoi qu'on a inventé l'huile? C'est juste pour nous salir. Mais si on voit la chose... Dans la réalité du phénomène, il y a du savon pour te laver, donc en partant, il n'y a pas de problème, mais il y a besoin d'huile dans le moteur. Mais ça. Oui, oui, mais je peux pas être heureux de mettre de l'huile dans le moteur. Non! Tu peux ne pas souffrir de mettre de l'huile dans le moteur. Donc, tant que tu ne souffres pas de mettre de l'huile dans le moteur, tu pourras être toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'huile et le moteur. Et là, tu seras heureux. Oui, mais il faut quand même... Ça n'a rien à voir avec l'événementiel. Être heureux ne dépend pas de votre vie planétaire. Donc, on ne peut pas trouver le bonheur dans la vie. Ni dans la vie spirituelle, ni dans la vie matérielle, ni dans la vie vitale, ni dans les deux, ni dans les trois, ni dans l'ordinateur. On ne trouvera même pas le bonheur dans l'évolution. Donc, ni dans la vie évolutive. Ça doit être extirpé de notre contexte planétaire. Je suis moi, je suis heureux. Il pleut, oui. T'es mouillé, oui. Ça n'a rien à foutre avec ce que je suis. Oui, mais t'es mouillé quand même. Oui, c'était hier, je suis mouillé quand même. Ça n'a rien à foutre. Alors que l'humain, lui, ça doit tout avoir. Alors nécessairement. La semaine prochaine, le 11 mai, le titre de la conférence, une vision neuve dans sa vie. C'est ça, on va aller voir comment on la met. D'ici là, bonne fin de semaine.